C'est l'heure de retrouver François Morel. François, c'est à vous. Aujourd'hui, je me contenterai de lire un document que j'ai réussi à intercepter, plus exactement une lettre que j'ai pu avoir en ma possession, encore plus précisément le brouillon d'un courrier retrouvé dans la corbeille du président de la République. Je ne vous dirai certainement pas comment j'ai réussi à l'obtenir. La protection de mes sources d'information, monsieur Fauvel, et ne vous déplaise, irréfragable. Vous avez raison, vous avez raison. Il se trouve par ailleurs que le petit cousin de ma belle-sœur, Yves van der Smissen, natif d'Ixelles, après un parcours professionnel mouvementé, est aujourd'hui non seulement philatéliste et sex addict, mais huissier à l'Élysée, responsable parmi d'autres du protocole. Je me suis, pendant de longues secondes, peut-être 8, peut-être 4, posé la question de la légitimité dont je pouvais me prévaloir en la matière. Avais-je le droit, m'interrogeais-je, de dévoiler des propos somme toute intimes? Je me suis dit que ça me ferait une chronique toute faite pour un vendredi sans inspiration. Il s'agit d'une lettre adressée à un certain Donald. Donald, mon cœur est gros, mon cœur est lourd, mon cœur est blessé. Je t'écris de France, ce vieux pays que tu connais, ce vieux pays qui sent l'amour et le fromage, le sperme et la fantaisie, l'alcool et les crinolines. Je pense à toi, tu es si loin. C'était il y a moins d'un mois, j'étais près de toi, tu étais près de moi. C'était hier, il y a 15 jours, il y a un siècle, il y a une éternité. Souviens-toi, Donald, souviens-toi, nous deux, nos bises, nos étreintes, la main sur le genou, les regards, les clins d'yeux. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. C'était le printemps, un printemps où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle le printemps indien. Avec ta coiffure peroxydée, tu ressemblais vaguement à une aquarelle de Marie Laurencin, revisitée par Jeff Koons, pour peu qu'on ait un peu d'imagination. Et puis aujourd'hui, comme une maîtresse déçue, tu te retires de l'accord sur le nucléaire iranien. Donald, ta volte-face me fait mal. Tu me sembles si loin, comme si l'un à l'autre nous étions étrangers, comme si notre complicité jamais n'avait existé. C'était hier, c'était il y a un siècle, c'était il y a une éternité. Souviens-toi, tu époussetais de mon veston les pellicules et moi je riais, et toi tu riais. Nous étions jeunes, nous étions fous, Donald. Oserais-je te dire que parfois ton affection presque me gênait, me faisait rougir. Tu étais à mon endroit plus prévenant que vis-à-vis de Mélania. Notre intimité, notre extraordinaire singularité, nous l'offrions à la face du monde. Toi, le plus grand président du plus grand pays du monde, moi le président le plus jeune, le plus beau, du pays le plus chic, le plus cultivé, le plus sexy. Donald, nos relations privilégiées seront-elles désormais insuffisantes? Faudra-t-il abandonner la communication du nouveau monde pour revenir, comme dans l'ancien, aux tristes relations diplomatiques? Réponds-moi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité. Il y a un siècle, il y a un an, il y a 15 jours. Merci François Morel, réincarné en Joe Dassin ce matin pour cet hommage à Donald Trump. Merci. Et la vidéo sur franceinter.fr dans 10 minutes.